Bonjour chers auditeurs, chers amis, eh bien oui, c'est le week-end, c'est dimanche, c'est le jour d'Entrepod. Comment allez-vous? C'est toujours un plaisir de se retrouver, et spécialement aujourd'hui, puisque nous allons reprendre le podcast que nous avions commencé il y a 2 semaines concernant le Québec et Montréal. C'est de là que vient mon invitée Jane. Donc il y a 15 jours, elle nous avait déjà parlé de sa région, de son pays, de sa ville, et elle a encore beaucoup à dire. Car en effet, nous n'avons pas encore abordé le sujet de la gastronomie, de la nourriture, et comme vous le savez, cela nous tient toujours à cœur, c'est très important. Donc elle va se faire un plaisir de nous parler de la diversité des restaurants que l'on trouve à Montréal, d'un plat typique également. Et en plus de cela, nous allons parler de cette culture québécoise qui est propre, donc cette région qui défend son caractère francophone par rapport au reste du pays, mais aussi par rapport aux États-Unis qui sont juste à côté. Donc voilà, Jane va nous en parler un peu plus longuement maintenant. Parce qu'en France, Québec a une image d'un endroit très ouvert. Mmh, oui. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui viennent aussi d'autres minorités, non? Il y a pas mal d'autres minorités. Oh, oui, oui, oui. Moi, personnellement, je suis née vietnamienne. Ouais. Et juste à Montréal, sur l'île, il y a au-dessus de 45 000 Vietnamiens. OK. Donc, c'est des grandes communautés. On a des quartiers italiens, on a des quartiers grecs, turcs. C'est vraiment un gros mélange. C'est parfait pour la nourriture. Oui, beaucoup de restaurants culturels, beaucoup de minorités. C'est adorable. Tu trouves de tout? Oui, on trouve vraiment de tout et de spécialités aussi. Il y a vraiment des quartiers où on trouve plein de restaurants indiens faits par des Indiens. Et oui, on peut vraiment trouver de la nourriture plus ou moins authentique. Oui. Mais et alors, si on veut manger quelque chose de typiquement québécois ou de Montréal, oui, c'est quoi? La poutine! La poutine, mais oui. Ça, je connais, non, mais c'est quoi ça? C'est des patates frites avec de la sauce brune et des fromages en grains frais du jour. Bien, ça c'est parfait pour un régime tout ça. Oui, non, c'est pas pour un régime, mais c'est très bon. On calibre la sauce avec la fraîcheur du fromage. C'est du fromage cheddar doux, tout simplement. Ouais. Et il faut que ça fasse quick dans la bouche quand tu le manges. Quick. Oui, quand tu le mâches, ça fait quick, quick, quick dans ta bouche, alors tu sais que c'est vraiment frais. D'accord, mais ça, tu manges pas ça en été? On mange ça n'importe quand. N'importe quand? Oui, il y a un restaurant à Montréal qui s'appelle La Banquise, et c'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année, ou presque, et ils vendent à peu près une trentaine de sortes de poutines différentes. C'est les rois de la poutine. C'est vraiment les rois de la poutine. Alors là, tu nous donnes une adresse, La Banquise à Montréal. La Banquise à Montréal, oui. C'est là qu'on va, après avoir été en boîte de nuit, tout le monde se rend là à 3 heures et on mange de la poutine, oui. C'est vraiment comme des hot dogs puis des ambourgeois, hein. C'est pas un mets de... Des ambourgeois? Oui, oui, c'est vraiment pas un mets fancy, donc non, c'est ça, on boit pas vraiment du vin avec ça, plus comme un petit Coca-Cola. Oui. Je vois. Et là, tu viens de citer un mot, les ambourgeois. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas en France. Non. Les hamburgers. Les hamburgers. Ouais. Oh. On dit, on ne sera jamais hamburgeois. Ah, non. Ouais. Ah, et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment intéressant. Quelques mots comme ça, qui sont différents, notamment tous les anglicismes. Différents anglicismes. Beaucoup d'anglicismes en France, mais qui ne sont pas utilisés au Québec. Ouais. En fait, hamburgeois, on va dire hamburgeois, on va dire burger. La manière la plus fermière possible. OK. On ouvre bien grand la bouche. Et avant, tu as dit hot dog? Oui. Je croyais que vous disiez chien chaud, non? Oh non, chien chaud, c'est drôle. C'est drôle, c'est exagéré. Mais non, personne dit chien chaud. Ah, ok. Bon, c'est quoi un chien chaud? Tu dis chien chaud, les gens vont te comprendre, mais ils vont trouver ça drôle un peu. On dit hot dog. Ok. Oui. Alors, en Belgique, on dit quoi? On dit hot dog aussi. Hot dog, oui, oui. Ouais, ouais. Donc voilà, donc tu as cité un peu à la gastronomie. Donc ce qui est bien, oui, en plus, c'est que c'est ouvert donc à d'autres nationalités. Oui. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu préfères? Si jamais tu n'as pas envie d'aller manger la poutine, tes restaurants préférés? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Je suis une accro du restaurant, donc ouais. je change beaucoup de jour en jour. Il y a beaucoup, beaucoup de restaurants asiatiques, ouais, des restaurants vietnamiens. Ils sont à tous les coins de rue, pratiquement. Ils sont en train d'envahir la ville. D'une manière positive, quand même. Oui, ça, c'est toujours bon. Trouver de la bonne tonkinoise, faite authentiquement, là. Ouais. Le quartier chinois est bourré de restaurants asiatiques. Ouais. Oui, oui, je suggérerais ça. Aller au quartier chinois un peu, essayer les mets différents coréens, un peu de thaïlandais. ils sont pas trop spécialisés sur la bouffe chinoise, ce qui est un peu étonnant, mm-hmm. parce que c'est le quartier chinois. Mais oui, essayez les mets vietnamiens au quartier chinois. Oui, on a parlé beaucoup de bouffe. C'est bien, c'est bien. Je suis gourmande, c'est ça. Je pense qu'on l'a découvert. Et il y a pas mal de restaurants français. Et je suppose qu'il y a une grosse communauté française aussi. Oui, oui, oui. C'est, on appelle ça le plateau Mont-Royal. C'est oui, beaucoup de français, voilà, beaucoup de cafés, beaucoup de bistrots français. Donc, où tu vas un peu dans le vieux Montréal, au vieux port et... Beaucoup, beaucoup de restaurants français. Ouais. Comme toi, tu as des amis qui ont émigré au Canada, de France, mais récemment, tu vois? Bah, moi, je connais surtout des gens, c'est leurs parents qui sont venus, mais qui ont conservé quand même l'accent français, la culture française. Ils se regroupent beaucoup, les gens, quand ils arrivent à Montréal. Il y a toujours une petite communauté si on veut retrouver les siens. Et au total, tu dirais que le Québec est plus influencé par la culture française ou la culture nord-américaine? C'est difficile à dire. Oh. Ça dépend peut-être des registres. Enfin, je sais pas, tout ce qui est audiovisuel, oui, la télévision. Beaucoup d'influence américaine quand même. C'est comme une relation d'amour et de haine. C'est très nord-américain quand même. Sauf qu'on parle quand même français. Ouais. Et donc, c'est différent. Mais sinon, tu vois, comment dire, les films français sont vraiment présents là à Montréal? Oui, oui, ils sont très présents. Quoique, à la télévision, ouais. il y a beaucoup plus de canaux anglophones que francophones. Parce que vous captez les chaînes américaines, non? Oui, c'est ça. Ah ouais. Je sais pas si c'est comme ça aussi en France et en Belgique. Ah non, on a quand même plus de... c'est plus francophone. Oui, c'est ça, donc... Beaucoup plus, ouais. Ouais, le satellite, mais ça reste quand même vraiment énormément de chaînes francophones. Oui, non, on n'en a pas beaucoup. On a TV5. TV5 Monde. Oui, oui, donc... ça, c'est en français, oui. Ouais. En français international, comme j'aime le dire. Mais il y a vos propres chaînes de télévision à Québec. Oui, oui, Radio-Canada, TVA et compagnie, donc... Ouais. Des chaînes locales. Propres journaux, propres radios. Oui, oui, absolument. La radio, très francophone quand même. Ouais. Oui, oui. Et la production musicale aussi. Oui, on aime notre production artistique. On aime garder ça francophone. C'est une communauté très active, très encourageante. Donc, ouais. Lorsqu'il y a un artiste de musique qui commence, il est très bien entouré. Les gens l'encouragent beaucoup. Je dirais même que c'est plus facile de percer dans le monde francophone en musique au Québec qu'ailleurs. Peut-être. Parce qu'on veut tellement en avoir, on veut tellement protéger notre culture. Mais il y a peut-être plus une aide, ou je sais pas, plus une impulsion qui est donnée aux artistes là-bas, notamment aux chanteurs. Oui. Parce que c'est vrai que dans la francophonie, il y a quand même, je trouve, pas mal de chanteurs mm-hmm. qui viennent de Québec. En tout cas, en France, il y a souvent mm-hmm. de nouveaux talents qui arrivent de Québec, qui sont pas mauvais, faut dire ce qui est, et qui arrivent ensuite à percer. On dirait qu'ils ont plus un soutien là-bas qu'en France, je sais pas si c'est mm-hmm. le cas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'artistes québécois qui viennent en France. Oui, c'est la deuxième étape. Donc, okay. On commence chez nous au Québec. Une fois que ça s'est fait, on s'en va en Europe et on essaie de percer là-bas. Uh-huh. C'est vraiment ça, le cheminement. Et généralement, c'est pas mal ce qu'ils font. Faut dire ce qu'il y a. Oui, oui, souvent, les artistes qui vont se lancer en Europe ont déjà percé au Québec. Ouais. Ils ont déjà beaucoup de fans et donc ouais. ça va bien pour eux. Et alors, une dernière question pour toi, pour mmh. parler de Montréal. Il paraît qu'à Montréal, il y a ce qu'on appelle une ville souterraine. Oui. Et moi, j'ai du mal à m'imaginer ou à voir ce que c'est, en fait. Pourquoi, comment ça se fait qu'on a une ville souterraine? Qu'est-ce qui se passe là-bas, en fait? Bon, c'est pas vraiment une ville souterraine parce que personne n'y habite. C'est en fait un grand réseau de shopping. Donc, on peut vraiment se déplacer d'un bar à l'autre de la ville presque, tout simplement en marchant dans le souterrain, d'un métro à l'autre. Puis c'est vraiment grand, mais c'est vraiment toutes des boutiques, des restaurants. Donc, c'est pas vraiment une ville souterraine. D'accord. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas des non. rues souterraines. Non, c'est des passages, c'est pas des rues, il n'y a pas d'auto. Et ça a été créé en fait parce que, à cause de l'hiver rigoureux? Non, bon, peut-être, j'y ai jamais pensé comme ça. Moi, je pense tout simplement c'est pour connecter les grands centres du centre-ville. Oui. Oui, on se déplace mieux, mais c'est vrai qu'en hiver, ça aide beaucoup. Oui. Parce que bon, tu peux prendre le métro et tu peux faire tes achats ou aller boire un verre avec quelqu'un. Oui, oui. Juste en restant... On reste sous la ville tout ce temps-là, oui. Parce qu'il faut quand même dire qu'en hiver, ça peut descendre quand même jusqu'à combien? Moins 30. Moins 30, ouais. Moins 35, ça... Je sais pas, je regarde pas trop le thermomètre pour pas me faire peur le matin. Faut être un peu courageux quand même, non, les premières fois? À chaque année, on est surpris par le froid. Je sais pas pourquoi, mais c'est culturel. Ça fait partie de la tradition. En automne, quand ça arrive, on se dit, mais bon Dieu, il fait donc froid. Et on passe l'hiver et c'est de plus en plus froid. Et après ça, quand l'été arrive, on se dit, bon, ça arrive jamais. On attend. C'est culturel. Donc, on est surpris pour une raison. Même si ça revient à chaque année, le froid, on est surpris. D'accord. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Oui. Ça a l'air vraiment intéressant, tout ce que tu nous as expliqué ici. Moi, encore une fois, bon, je sais, je dis souvent la même chose, mais là, c'est vrai, j'ai des amis qui y habitent maintenant. Ils me disent que c'est un endroit formidable, que la région est magnifique et que les gens sont très, très, très sympathiques, très ouverts. Oui, venez nous visiter. Voilà. Oui. Donc, chers auditeurs, un seul conseil, rendez-vous à Montréal, rendez-vous à Québec, allez faire un tour dans cette autre région où on parle français, où il y a énormément de choses à voir et dont il faut profiter, à mon avis. Oui. Donc, merci beaucoup, Jen. Je suis vraiment heureux de t'avoir reçu aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir reçu. Maintenant, si vous avez la moindre question sur le programme d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous la poser sur la page de discussion de ce podcast. Sur ce, je vous dis au revoir, bisous à tous. À bientôt. Salut.